Seigneur, merci. Merci pour ton sang. Oh Seigneur, tu m'as aimé. Gloire à l'agneau des dieux. Hosanna, amen. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, tu m'as aimé, ton sang m'a restauré. Gloire te soit rendue, Hosanna, Hosanna. Baby.

na banyo